Let us go to Matthew 11, verse 12. Matthieu 1, verset 12. On va lire Matthieu 11, verset 12. Praise the Lord. Hallelujah. Matthieu 11, verset 12. Matthieu 1, verset 12. Matthieu 11, verset 12. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. Von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt, und die Gewalt, welche angewendet wird, reißt es an sich. Matthieu 11, verset 12. Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence, et ce sont les violents qui s'emparent. We are the violent that take it by force. Wir sind die diese Gewalt, die es an sich reißt. Nous sommes les violents qui prend les histoires par force. Amen. Amen. We are the violent that take the kingdom of heaven by force. Wir sind die Gewalt, die das Königreich Gottes an sich reißt. Nous sommes les violents qui prennent le royaume des cieux avec violence. It is a command from the Lord. Und das ist ein Gebot des Herrn. C'est un commandement de Dieu. Amen. Amen. In 2 Corinthians 13, verse 8. 2 Korinther 13, Vers 8. 2 Corinthiens 13, verset 8. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. He said, for we can do nothing against the truth, but for the truth. Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. En effet, nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité, c'est seulement pour la vérité que nous en avons. Amen. Amen. You cannot change the truth. Du kannst die Wahrheit nicht ändern. On ne peut pas changer la vérité. No lies can change the truth. Keine Lüge kann die Wahrheit verändern. Il n'y a pas de mensonge qui peut changer la vérité. No religion can change the truth. Keine Religion kann die Wahrheit ändern. Il n'y a pas de religion qui peut changer la vérité. No private interpretation can change the truth. Keine eigenmächtige Deutung kann die Wahrheit verändern. Il n'y a pas des interprétations qui peuvent changer la vérité. Amen. Amen. No opinions of man can change the truth. Keine Meinung von Menschen kann die Wahrheit ändern. Il n'y a pas les opinions des gens qui peuvent changer la vérité. Getting it. He said, we can do nothing against the truth, but for the truth. Amen. What does he want to do? What does he want us to do for the truth? Was sollen wir für die Wahrheit tun? Qu'est-ce qu'on doit faire pour la vérité? He wants us to know it and believe it. Er will, dass wir diese Wahrheit kennen und sie glauben. Il veut qu'on puisse connaître la vérité et y croire. Amen. Amen. He wants us to know the truth. Er will, dass wir die Wahrheit kennen. And believe the truth and act on the truth. Und danach handeln. Il veut qu'on puisse connaître la vérité et y croire et aussi agir ainsi. No one can change the kingdom of heaven. Niemand kann das Königreich des Himmels ändern. Il n'y a personne qui peut changer le royaume des cieux. No lies of Satan can change the kingdom of heaven. Keine Lüge des Satans kann den Himmel kann das Königreich des Himmels ändern. Il n'y a pas des mensonges du diable qui peut changer le royaume des cieux. Amen. Amen. No opinion of individual can change the kingdom of heaven. Keine eigene Meinung kann das Königreich des Himmels ändern. Il n'y a même pas les opinions des personnes qui peuvent changer le royaume des cieux. We cannot change the system. Wir können das System nicht ändern, die Wege nicht ändern und die Wahrheit of the kingdom of heaven. Des Königreiches nicht ändern. On peut pas changer le système et the ways. Die Wege. Et le chemin de la vérité. No one can change it. Niemand kann das ändern. Personne ne peut changer ça. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord wants us to be single-minded. Der Herr möchte, dass wir fokussiert sind auf ihn allein. Le Seigneur veut qu'on puisse être vraiment seulement concentré seulement à lui. And that is one of the truths. Das ist eine that Wahrheit. We are single-minded. Dass wir eines Sinnes sind. Et c'est la vérité qu'on puisse avoir seulement une mentalité de Jésus-Christ. And his kingdom is a single-minded kingdom. Und sein Königreich ist ein ungeteiltes Königreich. Et son royaume en fait ça seulement une seule vérité, une seule mentalité. Amen. Amen. His kingdom, you know, in his kingdom you cannot have your mind cannot be double. In seinem Königreich können deine Gedanken can never work. Nicht geteilt sein. Et dans son royaume, tu peux pas avoir deux mentalités différentes. We just read in Matthew 11 verse 12 that it only work for the single-minded people. Wir haben Matthäus 11 gelesen, dass es nur für die Leute geht, die ungeteilt sind, die Radikalen. On a lu en Matthieu que les radicaux, ce sont les gens qui ont seulement une pensée unique de voir les histoires de Jésus-Christ, une même mentalité, donc un état d'esprit unique. Praise the Lord. Hallelujah. Let us go to Matthew 6. Matthäus 6. Matthieu 6. Matthew 6. Ciao. Let's go to Matthew 6. Matthew 6. From verse 21. Matthew 6, 21. Praise the Lord. Amen. Amen. He said, where your treasure is, there will your heart be also. Amen. Amen. The question is, where do you have your treasure? Die Frage ist, wo ist dein Schatz? La question est que où est ton trésor? Your treasure can be in people's life. Dein the flesh Schatz or the spirit. Kann im Leben der Menschen sein, entweder im Fleisch oder im Geist. Notre trésor ça peut être dans la vie des gens ou bien dans notre esprit. Then in verse 22 it says the light of the body is the eye. Amen. If therefore your eyes be single, the whole body shall be full of light. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The light of the body is the eyes. If therefore your eyes be single, the whole body shall be full of light. Verse 23. Vers 23. Amen. Amen. But if your eyes be evil, the whole body shall be full of darkness. An evil eye is a double-minded man. Böse Augen sind Augen, die ungeteilt sind, die geteilt sind. Amen. Des yeux qui sont mauvais, ce sont des yeux qui ont deux chemins en fait, deux opinions, deux mentalités. Verse 22 talk about single eye. Then verse 23 is about a double eye. That is double mind. In 23 geht es um geteilte Augen. Mais dans le verset 23, il s'agit des yeux qui sont doublés. If your eyes be evil, the whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is indeed be darkness, how great is that darkness? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In verse 24, it said, no man can serve two masters. You cannot be of the flesh and of the spirit niemand at the same time. Niemand kann zwei Herren dienen. Du kannst nicht vom Fleisch und vom Geist gleichzeitig sein. Verset 24 nous dit que nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres. Donc tu peux pas être dans la chair et puis dans l'esprit au même moment. It said, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Mm. You cannot be of the spirit and of the flesh together. Du kannst nicht im Fleisch und im Geist gleichzeitig sein. Tu peux pas être dans la chair et dans l'esprit au même moment. Darkness and light can never work together. Dunkelheit und Licht können nicht zusammengehen. La lumière et l'obscurité ne peuvent pas marcher Amen. Dans le même chemin en même temps. Praise the Lord. Hallelujah. let's go to Luke 14. Lukas 14. Luke 14. Because coming to Jesus, you have to be prepared. Wenn wir zu Jesus kommen, müssen wir bereit sein, alles hinter uns zu lassen. Quand on vient vers Jésus-Christ, on doit être prêt à laisser tout derrière nous. He talks about Luke. You know, he talks about preparing. You have to prepare your heart. Er spricht darüber, dass wir unser Herz vorbereiten müssen. Wir müssen unser Herz vorbereiten. Il a dit qu'on doit vraiment préparer notre cœur dans Luke 24. Die Botschaft in dieser Botschaft geht es immer noch um die Radikalen. Dans ce message ici, il s'agit toujours des radicaux. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If any man, okay, first of all, verse 25. And there went great multitude with him, and he turned and said unto them, If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Lukas 14, 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Amen. Amen. So you are to hate all. Wir müssen alles hassen. Il a dit qu'on doit vraiment détester tout sauf lui. Amen. And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Verse 28. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. For which of you intend to build a tower, sitteth not down first? He is telling us to prepare our heart. Hier steht ganz always klar, prepared. Dass wir unser Herz vorbereiten müssen. Wir müssen wissen, worauf wir uns einlassen. Was dieser Bau fordert. Ici, il nous dit qu'on doit toujours préparer notre cœur et parce qu'il y aura toujours les histoires qui vont arriver, donc on doit toujours être préparé. Mm. You know, coming to Christ, you have to prepare. You must prepare your mind to be single-minded. Wenn wir zu Christus kommen, müssen wir unsere Gedanken vorbereiten, dass sie ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Quand on vient vers Jésus-Christ, on doit vraiment préparer notre cœur que notre mentalité soit seulement celle de Jésus-Christ et de rien d'autre. He said, for which of you intend to build a tower, sitteth not down first, and content the cost, whether he have sufficient to finish it, least happily, after he had laid the foundation, and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him, saying, this man began to build, and was not able to finish. Yeah. Verse 31. Or what king going to make war against another king, sitteth not down first, and consulteth whether he be able with 10,000 of to meet him that cometh against him with 20,000. He is telling us, you know, coming to him, you are to be prepared, you know, because your heart, until your heart is single on him, you cannot make it. Erst wenn unser Herz vollkommen ausgerichtet ist auf ihn, können wir es packen. C'est seulement si on est vraiment concentré de tout notre cœur vers Jésus-Christ, là on peut continuer avec lui. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 33, so likewise, whosoever he be of you that forsaking not all that he hath. You see, verse 33. Amen. Amen. You forsake all. Wir lassen alles zurück. Il dit à verset 23, on doit vraiment tout laisser derrière nous. He cannot be my disciple. Salt is good. But if the salt have lost its savour, wherewith shall it be seasoned? It is neither fit for the land, nor yet for the dunghill. But men cast it out, He that hath ears to hear, let him hear. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, when Jesus, like, you know, most of the time when he speak, he always say, if you have ears to hear, hear. Oft, wenn Jesus spricht, sagt er, wenn ihr Ohren habt, dann hört. Chaque fois que Jésus-Christ parlait, il disait, quand, si vous avez des oreilles, écoutez. You know, we have been speaking to somebody since, for hours upon hours. Wir haben jetzt stundenlang zu einer Person gesprochen. On a parlé avec quelqu'un pendant des heures. Like Jesus, you know, speaking to people here. Wie Jesus hier auch zu Leuten spricht. Comme Jésus-Christ parlait ici avec des gens. And at the end, he said, if you have ears to hear, hear. Und am Ende sagte, wenn ihr Ohren habt zum Hören, dann hört. Et à la fin, il a dit que si vous avez des oreilles pour écouter, écoutez. Do you know why? Because you have the right to go to hell. Weil du das Recht hast, in die Hölle zu gehen. C'est pourquoi, c'est parce que tu as le droit de partir en enfer. Praise the Lord. Hallelujah. But one thing is that we will not allow you to pull anybody along with you. Aber wir werden nicht zulassen, dass man irgendjemand mitnimmt. Mais on ne va pas t'autoriser de porter d'emporter les gens avec toi en enfer. If you choose to go to hell, you go alone. Wenn man sich entscheidet für die Hölle, dann geht man alleine. Si tu choisis de partir en enfer, tu pars seul. Praise the Lord. Hallelujah. A lot of us, we want our mind to be of the double. Viele von uns wollen, dass unsere Gedanken geteilt sind. Beaucoup d'entre nous veulent avoir une mentalité qui part en deux côtés. The kingdom of heaven is single-minded kingdom. Aber das Königreich des Himmels ist ein ungeteiltes Königreich. Mais le royaume des cieux a seulement une mentalité, il n'a pas de mentalité qui sont doublées. There is no dual nationality there. Da gibt's keine doppelte Staatsangehörigkeit. Il n'y a pas une nationalité qui no, the meaning. Pas de double nationalité. On a pas de double nationalité. There is no dual nationality in the kingdom of heaven. You either there or you are out. Keine doppelte Zugehörigkeit in im Königreich Gottes. Entweder gehörst du dazu oder nicht. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de double nationalité. Ou tu viens, tu es du royaume des cieux ou non. You know, there are some countries they accept dual nationality, like Nigeria, like Germany. Es gibt einige Länder, die erlauben eine doppelte Staatsbürgerschaft, wie Deutschland oder Nigeria. Il y a quelques pays qui sont en train d'autoriser une double nationalité, comme le Nigeria et l'Allemagne, par exemple. But in Christ's kingdom, it's one nationality. Aber im Königreich von Christus ist es eine Nationalität. Mais dans le royaume des cieux, il y a seulement une nationalité et pas deux. Amen. Religious kingdom. It's a double-minded kingdom. Aber religiöse Königreiche sind geteilte Königreiche. Mais le royaume des cieux, mais les royaumes religieux, là c'est toujours doublé. You know, religion accept religion, okay. Yours is yours, I accept yours, you accept mine, huh? You know, weil Religion akzeptiert andere Religionen. Dans les religions, il y a des religions qui acceptent aussi autres religions. They believe there are many ways to go to God. Sie glauben, dass es viele Wege zu Gott gibt. Ils pensent qu'il y a beaucoup de chemins pour aller vers Jésus-Christ. But Christ's kingdom said, I am the only way. Aber Christus sagt, dein Königreich sagt, er ist der einzige Weg zum wahrhaftigen Gott. Mais Jésus-Christ, le royaume des cieux, dit qu'il y a seulement un chemin vers la vérité, vers Dieu. In Christ's kingdom, you don't accept anything outside Christ. Aber im Königreich von Christus akzeptierst du nichts anderes als Christus. Mais dans le royaume des cieux, tu n'acceptes rien d'autre sauf Jésus-Christ. You know, I heard Ogieva spoke from Russia. Amen. Praise the Lord. Wie Ogieva aus Russland gesprochen hat. Comme maintenant là, j'ai écouté comme Ogieva, il a parlé de la Russie. It's not because he's my son, but because he's a son of God. Weil er mein Sohn ist, sondern weil er ein Sohn Gottes ist. C'est pas parce que c'est mon fils, c'est parce que c'était un enfant de Dieu. Amen. I can see Christ flowing through his mouth. Ich kann Christus sehen. I rejoice so greatly. That is the inheritance. Amen. Ist Freude für mich. C'est ein schönes Erbe. Quand je peux voir quand il parle, je peux voir comment le Saint-Esprit ou bien Jésus-Christ est en train de parler à travers lui. Et ça, c'est un héritage pour moi. Et ça, c'est une joie. Look at how Jesus coming out. Can you see? Living there and flowing. He's greater than any house, any car, any money put together. Es ist größer als jeder Besitz, jedes Auto, jedes Haus. C'est plus grand que chaque héritage plutôt que l'argent ou bien les voitures. I thank God that I'm here today. Ich danke Gott, dass ich heute hier bin. Je remercie Dieu parce que je suis ici aujourd'hui. I thank Jesus for this ministry. Ich danke Jesus für diese Gemeinde. Je just one person, don't look at what is coming up. Pour, pour ce ministère. Schau dir an, diese eine, nur eine Person, die so viel, also dass aus einer Person schon so viel Wahrheit sprudelt, geschweige denn von uns allen zusammen. Parce que regarde, par exemple, seulement une personne qui a beaucoup de, la, de vérité comme ça, qui peut parler totalement de Jésus-Christ et imagine nous tous ici ensemble. You know that he is in another country, could not prevent him. Dass er in einem anderen Land ist, in einem anderen Kontinent, hat nicht dazu gesorgt, dass er hier nicht sprechen konnte. Et ça l'a pas empêché le fait qu'il soit dans un autre pays, dans un autre pays, que de dire la vérité. You know, it's dead. You know, people say God, children, they are not dead. Mother is not dead. Father is not dead. You know, you can have, you can live the life you want to live, but not somebody that is radical for Christ. Na, und selbst wenn er auf einem anderen Planeten wäre, ist er trotzdem die Wahrheit spricht von dort aus. Ja. Et parce que même si, et ça nous fait voir que quand il s'agit de Dieu, même si tu es dans un autre planète, dans un autre monde, tu vas seulement parler de la vérité de Jésus Christ. And I thank Ogiva. Und ich danke Ogiva. Et je remercie Ogiva. For allowing Jesus to live in him and live through him. Dass er zulässt, dass Jesus in ihm und durch ihn durchlebt. Und darauf bin ich stolz. Parce qu'il laisse Jésus-Christ vivre en lui et travailler à travers lui. Et ça, ça me fait fier, ça me met fier. Let us go to James 4. Jakobus 4. On peut lire Jacques 4. Praise the Lord. Amen. You know, sometimes people are falling. We are so sad. Und schon wenn Leute fallen, sind wir traurig. Quelquefois quand les gens wenn Leute fallen, macht uns das traurig. Ah, manchmal. Quelquefois quand les gens tombent, ça nous rend triste. Jean, Jakobus was, Mama? James 4. Because you know we are so sad because we know that it is not the will of Christ that any should perish. Wir sind traurig, weil wir wissen, dass nicht der Wille von Christus ist, dass irgendjemand zugrunde geht. Nous nous sommes très tristes parce que on veut pas que quelqu'un puisse périr. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know when King Saul fell. Als König Saul gefallen ist. Quand le roi Saul est tombé. Samuel was so sad. War Samuel so traurig. King Saul, no? King Saul. Saul était vraiment très triste. Amen. Amen. The king fell. Der König ist gefallen. And Samuel was so sad. Und Samuel war sehr traurig darüber. It was hard for him to give up. Es war hart für ihn aufzugeben. C'était vraiment très difficile pour lui laisser partir. The Lord, you know, the Lord asked Samuel, how long are you going to weep, mourn for him? Der Herr hat Samuel gefragt, wie lange wirst du um Saul weinen? Et Dieu lui a demandé combien de temps tu veux encore pleurer pour Samuel. Don't sing with anybody that just prove, that just choose. That just choose to dig his own grave. Weine nicht um jemanden, der sein eigenes Grab gräbt. Pleure pas pour quelqu'un qui creuse son propre tombeau. Amen. Sa propre tombeau. Don't follow whoever just learned to dig his own grave. Folge niemandem, der sein eigenes Grab gräbt. Faut pas suivre quelqu'un qui est en train de crever sa propre tombe. Praise the Lord. Hallelujah. In James from verse 1, we quickly read. Jakobus from whence come wars and fightings among you? 4:1. Come they not here, even of your lust, that war in your members? You lust and have not. You kill and desire to have and cannot obtain. You fight and war, yet have not, because you ask not. You ask and receive not, because you ask amiss, that you may consume it upon your lust. You adulterer and adulteresses, know ye not that the friendship of this world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. 5. Do you think that the scripture said in vain, the spirit that dwelleth in us lusteth to envy? Amen. Amen. But he giveth more grace. Wherefore he said, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourself therefore to God. This is the devil, and he will flee from you. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Here is not even blaming the devil for whatever problem. It is you. He said, you submit yourself. Wird der Teufel nicht mal dafür angeklagt, sondern wir machen uns selbst schuldig darin, dass wir zulassen, dass der Teufel uns nutzt. Quelquefois, c'est nous-mêmes on est fautif quand on laisse le diable travailler à travers nous. He said because you refuse to submit yourself to Christ. Weil wir uns weigern, uns Christus hinzugeben. C'est parce qu'on est en train de refuser. Then the devil has to vivre entre nous. Praise the Lord. Hallelujah. Then draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, you sinners. And purify your heart, you double-minded. Be afflicted and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to heaviness. Humble yourself in the sight of the Lord, and he shall lift you up. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It says, speak not evil one of another, what the Lord called evil. And not what religion or man call evil. Verleugnet einander nicht. Und es geht um das, was Christus bösartig nennt, nicht das, was Religion oder Menschen bösartig nennen. On doit comprendre qu'il ne s'agit pas de ce que le monde appelle quelque chose de mauvais, mais c'est que Jésus-Christ appelle quelque chose de démoniaque. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let me leave there because of time. Amen. In Colossians 1, it says, everything was made by Christ and for Christ alone. In Colossians 1 steht, alles wurde für Christus und von Christus gemacht. Amen. Okay, in Colossians 1, il est écrit que toi as été fait pour Dieu et par Dieu et pour Dieu. Everything was made by Him and for Him and not for you and Him. Alles wurde für ihn und durch ihn gemacht und nicht für ihn und für dich. Et tout a été fait par lui et pour lui et pas par lui et pour toi. Praise the Lord. Hallelujah. It is for him and not for the spirit and the flesh. For the flesh alone, for the spirit alone, sorry. Es ist nicht für dich und das Fleisch, sondern es ist für den Geist gemacht. C'est pas pour toi et la chair, c'est seulement pour l'esprit. You know, we are used to defending the flesh. Wir sind Meisterin, das Fleisch zu verteidigen. Nous sommes vraiment habitués à défendre la chair. And not the spirit. Und nicht den Geist. Et pas l'esprit. But Jesus, you know, Jesus is so different. For him, it's all about the spirit. Ihm geht's um den Geist. Mais Jésus-Christ est vraiment différent. Pour lui, il s'agit seulement de l'esprit. Amen. Amen. He never defended the flesh. Er hat das Fleisch nicht verteidigt. Il a jamais défendu la chair. How do we defend the flesh? Wie verteidigen wir das Fleisch? Comment on défend la chair? You know, when we say we to people, we don't separate families. Wir sagen or we don't separate parents from children. Let's say families. Familie nicht. On va dire aux gens que nous on sépare pas des familles. Amen. Amen. We don't separate friends. Wir trennen keine Freunde. On sépare pas aussi les amis. We don't separate brothers and sisters. Wir trennen keine Geschwister. On sépare pas aussi les frères et sœurs. You know, that is defending the flesh and not the spirit. Mit diesen Aussagen verteidigen wir das Fleisch. Avec ce mot, cette phrase, on est en train de défendre la chair. Amen. Matthieu 10. On va lire Matthieu 10. We always want to make it so easy for them. Wir wollen es einfach machen für die Welt. On veut que le monde puisse comprendre plus facilement en fait. Amen. You know we don't want to make it hard. Wir wollen es nicht hart machen. On veut pas le faire trop dur pour le monde. We look for where to say so that it will not be too hard. Wir suchen nach Wegen, wie wir das irgendwie so drehen können, damit es nicht so hart und bitter klingt. On cherche toujours un chemin, comment dire la vérité, mais dans un moyen, que, dans un sens que ça ne soit pas très difficile pour les autres. Amen. Amen. Pas trop dur, en fait. We don't separate family. We choose Christ. Trennen keine Familie. It is true, we choose Christ. Stimmt, wir on ne sépare pas la famille, les familles. On est en train de choisir Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Look at from verse 34. Vers 35. He said, think not that I come to send peace on earth. Mm-hmm. Amen. Amen. It's a pretty family. Alors Galatiens 5, il dit oui, je suis venu opposer les fils à Anne, pardon, 34 d'abord. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Jesus said he came to separate families. Jesus kam erst gekommen, um Familien zu trennen. Jésus-Christ a dit qu'il est venu pour séparer les familles. Amen. The truth will separate families. Denn die Wahrheit wird Familien trennen. The world, the love lies. Denn die Welt liebt die Lügen. Parce que la vérité va séparer la famille, parce que le monde aime les mensonges. He said, "Think not that I'm come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's foe shall be they of his house, his own household." All of us are experiencing it today. Amen. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. Nous tous, on a vu, on vient de voir, d'expérimenter ça aujourd'hui. You know, no radicals will not experience this. Radical. If you are radical, you will experience it. Si tu es radical vraiment Jésus-Christ, ça, tu vas vraiment l'expérimenter en Jésus. He said, if they persecute me, they will persecute you. Weil Jesus ganz klar sagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch dich verfolgen. Parce que Jésus-Christ dit que s'ils vont persécuter, ils vont aussi te persécuter, toi. Amen. Amen. If you choose me, they will fight you. They will hate you. Because I choose my father, they fight me. They hate me. The same thing is going to happen to you. Except if you don't choose me. Wenn sie auch dich verfolgen, wenn sie mich hassen, wenn sie auch dich hassen. Sei, du wählst nicht mich, so wie ich meinen Vater gewählt habe. Jésus-Christ a dit que si toi tu me suis, on va aussi te persécuter comme ils m'ont persécuté parce que moi j'ai choisi mon père. Donc toi, si tu me choisis seulement moi, on va aussi te faire la même chose. Verse 36 again, and a man's foes shall be they of his household. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Praise the Lord. Christ is, you know, he's of another class. Christus wird zu einer anderen Ebene. The world is calling evil today. Classe. C'est evil. Le monde va dire que Jésus-Christ est un Dieu mauvais. Amen. Quand on lit ce supposed passage. Supposed to be family together, but it's a separate family. Müsste doch ein Familienmensch sein, aber stattdessen zerrüttet er Familien. Parce qu'on va se dire, normalement, c'est un Dieu qui doit réunir la famille, mais lui dit, il est venu pour séparer. C'est quel Dieu ça? It's better as families are separated in Jesus' name than they are united in devil's name. Es ist besser, dass eine Familie geteilt ist im Namen von Jesus, als dass sie zusammen ist im Namen des Teufels. C'est mieux que une famille soit séparée à travers le nom de Jésus-Christ que être unie à travers le nom du diable. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. He that findeth his life shall lose it. And he that loseth his life for my sake shall find it. Amen. He that receive you, receive me. And he that receive me, receive him that sent me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen, amen. Jesus said he came to separate families. Jesus sagt, er ist gekommen, um Familien zu zertrennen. Jésus-Christ, il a dit qu'il est venu pour séparer les familles. You know, for him, it's all about his father. Ihm geht's seinen Vater. Pour lui, il s'agissait seulement de son père. For him, it's all about the spirit. Ihm geht's den Geist. Pour lui, il s'agit que de l'esprit. And never the flesh. Und nicht um das Fleisch. Et pas de la chair. And never man. Und nicht um den Menschen. Et jamais l'homme, l'être humain. You know, some of us are after what will people say if it is too hard. What we are going to tell them, what we say, we are saying to them. If it is too hard, what would they say? Oft denken wir, wenn das, was wir sagen, zu hart rüberkommt, wie werden sie darauf reagieren? Quelque d'entre nous se dit, ben, si je dis ça et je prononce ce que je veux prononcer maintenant, peut-être ce sera trop dur pour le monde, pour mes amis, ce sera trop dur. Amen. Yeah. Means you are not ready to follow Christ, ready. To choose him. Mais si toi, tu es bereit, ihn zu folgen. Mais si toi tu penses que quelque chose est trop dur pour les autres et c'est pour cela que tu as peur de le dire, ça signifie que tu n'es pas radical. kann pour suivre Jésus-Christ. Because everything from him, they are hard. Denn alles von ihm ist hart. Parce que tout ce qui s'agit de Jésus-Christ est vraiment dur. Choosing Christ, we always separate families. Christus zu wählen wird Familien immer zerteilen. Et choisir Jésus-Christ, ça divise toujours les familles. You know, it will separate you from the natural family, from the, you know, from evil family, the flesh family, and we give you his own family. If somebody gets it. Dich von der fleischlichen Familie trennen, um dich mit seiner Familie zu verbünden, mit seiner Familie. Il va te séparer de ta famille charnelle pour te réunir avec ta famille spirituelle. If you look at Jesus, he was so used to his disciples. Jesus war so gewöhnt. He was used to his disciples more than his siblings. He was having brothers and sisters. Als seine Geschwister. Parce que si tu remarques une chose avec Jésus-Christ, c'est que il était vraiment très habitué aux disciples, que même avec ses sœurs et frères charnels. You know, don't the natural, the natural family, they did not even believe him. If you go to John 7, they did not believe him. They were making fun of him. They mocked him. Hat ihn noch nicht mal geglaubt, sie haben sich über ihn lächerlich gemacht. God. Aber die Jünger haben ihn Gott genannt. Si tu regardes sa famille charnelle en Luc, c'est que ils n'ont pas cru qu'il était celui qu'il est. Mais les disciples, là, ils ont reconnu que c'était lui le Dieu. He was used to his, you know, so used to his disciples and the natural family. Er war so gewöhnt an seine Jünger und das mehr als seine natürliche Familie. Il était vraiment habitué avec à ses disciples que à ses frères et sœurs de la même mère. His disciples wrote of him because they know him. Seine Jünger haben ihn geschrieben, weil sie ihn kannten. They wrote of him because they know him. Weil sie ihn kannten. Geschrieben. They wrote of him. Matthew, Mark, Luke and John. They are all disciples. Ses disciples, ils ont écrit sur lui parce que ils ont cru. But the natural family can write nothing. Aber natürliche Familie konnte nichts schreiben, weil sie nicht kannten. Et parce qu'ils les connaissaient aussi, mais sa famille naturelle ne pouvait rien écrire parce qu'ils ne les connaissaient pas en fait. Ils n'ont pas compris sa mentalité. Who know you? The Christ that knows you are the natural family. Kennt dich die natürliche Familie, kennt dich Christus. Qui te connaît, c'est ta famille naturelle ou c'est Jésus-Christ, ta famille spirituelle? Who can write things of you? Wer kann über dich schreiben? About you? Qui est capable d'écrire? Is it Christ or the flesh? Jesus ou das Fleisch? Qui est capable d'écrire des histoires sur toi? C'est Jésus-Christ ou bien c'est la chair? Who are you used to? À wem bist du gewöhnt? À qui tu es habitué? Who do you move with? Mit wem like the disciple move with Jesus Christ. So wie die Jünger mit Jesus Zeit verbringt. Qui sont tes amis avec qui tu es en train de prendre ton temps, c'est comme Jésus-Christ et ses disciples par exemple. Who do you spend your time with? Mit wem verbringst du deine Zeit? Verbringst du mehr Zeit? Avec qui tu passes ton temps. Are you getting it? Praise the Lord. If you look at Jesus, it was all about, you know, his disciples. He had disciples. Jesus anschauen. So is Paul. Si tu regardes les disciples par exemple, il s'agissait toujours de ses disciples. Always in the midst of them. Immer in der Mitte. Can't have seen the other side. Il était toujours entre ses disciples. Darkness and light can never move together. Weil Dunkelheit und Licht können nicht zusammengehen. Il n'était pas, par exemple, jamais avec sa famille, seulement avec les disciples, parce que la lumière et l'obscurité ne peuvent pas marcher avec dans un même chemin. Praise the Lord. Alléluia. You know, Peter said we left everything, the house, the car, everything, then we follow you. Amen. The business. We left everything, we follow God's family, Christ's family. His blood is thicker than every other blood. Amen. Wir haben alles zurückgelassen wegen dir, weil wir glauben, dass das Blut, das du vergossen hast, dicker ist als das Blut meiner Familie, was aus Wasser ist. L'apôtre Pierre a dit qu'on a tout laissé derrière nous pour te suivre, parce qu'on croit vraiment que ton sang que tu as versé pour nous, Jésus-Christ, c'est plus fort que le sang naturel de ce monde. You know, this message radical, you know. I did not even know that it will be as long as this, but the Lord is bringing more things and is helping us to grow more and more. Amen. Diese Botschaft über die Radikalität, ich wusste nicht, dass sie sich so ziehen wird, aber ich bin dankbar, dass der Herr wirklich will, dass wir mehr und mehr dadurch wachsen und lernen. Ce message qui concerne la radicalité, je savais pas que ça va prendre aussi beaucoup de temps, mais je vois que le Saint-Esprit me donne encore de plus. He wants us to be rooted in Him. Er möchte, dass wir verwurzelt sind in ihm. Il veut vraiment qu'on soit raciné dans sa vérité You know, some of us we say, ah, how long are we going to be? You know, how long? But are you radical for Jesus? Check your life. Einige könnten sagen, vor wie lange noch dieses Thema, aber sind wir radikal? Bist du radikal? Mais il y aura beaucoup de gens entre nous qui peuvent dire, oh, toujours dans le même thème, combien de fois on va continuer à l'écouter, mais est-ce que tu es vraiment radical en Jésus-Christ? Prüfe dein Leben. Tu dois vraiment examiner ta vie. If you are not careful, you know, until you are radical, believe, until I see you radical, I will not change the topic. Si vous faites gaffe et que vous n'êtes pas toujours radical, moi je veux continuer à prêcher ça jusqu'à ce que vous appreniez à être radical. It is trust that move God. Vertrauen bewegt Gott. C'est la confiance qui fait bouger Dieu. He walk in trust. Er arbeitet durch Vertrauen. Il travaille à travers la confiance. Your action is trust. Deine Werke sind Vertrauen. Nos actions sont confiance. Until you ask, you don't believe and you don't trust him. Wenn wir nicht handeln, dann glauben wir nicht und deswegen vertrauen wir ihm nicht. Parce que quand on n'agit pas, on croit pas en lui et on ne lui fait pas confiance. Your action means trust to him. Dein Handeln bedeutet Vertrauen für ihn. Notre action, ça signifie confiance, faire confiance à Dieu. If we quickly look at just one example, amen. Go to Genesis 22. 1 Mose 22. On peut lire à 1 Moïse 22. Praise the Lord. Genesis 22. From verse 10. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called unto him out of heaven. And you see that the Lord is not a killer. Genesis 22:10. 22:10. Please, you are not going to read because of time. Amen. Ihr seht, der Herr ist kein Mörder. Amen. Si vous voyez Genèse 22:10, vous allez voir que Dieu n'est pas un meurtrier. Are you getting something? Mm. You know, he wanted, Abraham wanted to kill this son. Abraham wollte seinen Sohn töten. And the angel, okay. Abraham voulait tuer le fils. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, here I am. And he said, lay not your hand upon the lad. The Lord is not a killer. Der Herr ist kein Mörder. Dieu n'est pas un meurtrier. Der Herr ist kein Dieb. He is a giver, not a taker. Amen. Er ist ein Geber und kein Nehmer, er ist kein Dieb. Amen. Dieu, il est quelqu'un qui donne et pas quelqu'un qui prend quelque chose de toi. He said, neither do thou anything unto him. For now I know. Can you see the action? For now, I trust you. Jetzt vertraue ich dir, amen. Et maintenant, tu peux voir que quand il n'a pas tué le fils, after action, nach dem Handeln, Dieu a dit que maintenant je te prends, maintenant je te fais confiance. Après avoir vu l'action que Abraham était prêt à tuer son propre fils, il a dit, ah, maintenant je crois que je peux te faire confiance. Je vois que tu peux. You know, anytime you act on the truth, the heaven shake. Amen. There's like something like earthquake in heaven. Nach der Wahrheit handeln, bebt der Himmel. Si on marche selon la vérité, on va voir que le ciel est en train de bouger. Ça tremble. You can see the movement in heaven here because of the action of Abraham. Wir sehen, wie der Himmel bebt wegen dem, was Abraham getan hat. Tu peux voir ici, tu peux voir le mouvement du ciel après que Abraham puisse poser cet acte. Der Himmel bewegt sich. Le ciel est en train de trembler, ça bouge en fait. He said, for now I know that thou fearest God. Since thou have not withheld your son, your only son from me. Praise the Lord. Hallelujah. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram. Amen. Amen. Caught in a thicket by his horn, and Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of the son. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, The Lord our provider. Amen. Amen. Amen. Amen. The provider is your provider. Amen. You are not your provider. Your job is not your provider. Deine Arbeit ist nicht dein Versorger. Jesus ist dein Versorger. C'est pas notre travail de d'être notre propre fournisseur. C'est Jésus-Christ qui est notre fournisseur. Amen. Amen. No, don't sin. You know the flesh is not your provider. It is the spirit that is your provider. Das Fleisch ist nicht dein Versorger, sondern der Geist ist dein Versorger. C'est pas notre chair qui est en train de prendre soin de nous. Praise the Lord. As it is said to this day, in the mouth of the Lord, it shall be seen. Verse 15. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time. Are you getting it? No. Because of Abraham's action. In Abraham's handeln. He believed God and he acted. Don't believe in that action. Nicht nur glauben, ohne zu handeln. Donc, vous voyez que Jésus-Christ a pu prendre soin d'Abraham et de son fils à travers l'action que Abraham a posée. Donc, il a fait un acte de foi et l'acte de confiance. Et à travers ça, c'est Dieu, ça lui a plu. Can see how trust move God. Vous voyez que vertrauen Gott bewegt. It's coming the second time. Amen. Let me go to him again. Praise the Lord. Hallelujah. I said, by myself I have sworn, said the Lord. For because thou hast done this thing, because you did it. Weil du das getan hast. Amen. Amen. And hast not withheld your son, your only son, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply your seed as the stars of heaven. Amen. And as the sand which is upon the seashore, and your seed shall possess the gate of his enemies. And in your seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Oh, Daddy. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You get it. You get something there. Versteht ihr das? Trust is action. Glauben, Vertrauen ist Handeln. Faire confiance, c'est quand on fait confiance, on doit agir. And the Lord sees it. He sees it all the time. He always sees it. Once you act, once you believe and act, he always sees it and he's moving. Dieu, ça lui, Dieu, ça lui plaît vraiment que chaque fois qu'on fait on pose un acte de la foi, que tu crois en quelque chose et puis si ça te pousse à faire quelque chose, lui, il voit ça et ça lui plaît. Et puis, ça lui force aussi à travailler pour nous parce qu'on lui fait confiance. You are always going to choose between Christ and Satan. You cannot choose both. Jesus und Teufel, wir können nicht beides wählen. Tu vas toujours devoir choisir ou le diable ou Jésus-Christ parce que tu ne peux pas choisir tous les deux dans le même moment. We have already read Matthew 6, verse 24. It says you cannot serve two masters. Wir haben schon Matthew 6 gelesen, wo steht, wir können nicht zwei Herren dienen. Wir müssen uns entscheiden. Comme on vient de lire à Matthieu qu'on ne peut pas travailler pour deux maîtres. Christ knows you. And he sees your choice always. Und kennt deine Entscheidung. Jésus-Christ le connaît et il connaît aussi toujours nos choix. Whatever you choose, you cannot hide it from him. Was immer du wählst, kannst du vor ihm nicht verstecken. N'importe quel choix tu fais, tu peux pas le cacher ça. Also, you cannot even hide it from Satan. Du kannst die Entscheidung auch nicht vom Satan verstecken. Et tes choix, tu peux pas aussi le cacher devant le diable. You know, the Lord knows it. He knows those that always choose him. Der Herr kennt die ihn wählen. Dieu lui connaît les gens qui sont en train de le choisir. He knows those that will love him forever. Er weiß, wer ihn immer lieben wird. Amen. Wer ihn nicht verweigern wird. Amen. Il sait aussi qu'il va toujours rester avec lui pour toujours et qui, qui peut le rejeter. Amen. He knows those that will be there for him forever. That will not leave him, that will not forsake him. Il connaît. Are you one of them? C'est qui va toujours être avec lui. Have you decided to be one of them? Willst du einer von diesen Leuten sein? Est-ce que tu t'es décidé d'être un de ces personnes qui va toujours rester avec lui? People like Peter. Leute wie Petrus. Des gens comme Pierre. Despite of all the mistakes. Trotz all dieser Fehler war er dennoch dafür in den Himmel. Malgré toutes les fautes que Pierre a fait, il a été capable de rester en Jésus-Christ avec lui. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Don't allow any mistake to take you away from Jesus. Lass nicht zu, dass Fehler dich von Jesus wegnehmen. Amen. Faut pas autoriser que les fautes que tu fais dans ta vie, ça que ça, ça ne doit jamais te séparer de Jésus-Christ. Amen. From verse 14 to 17. He said, this is the third time that Jesus showed himself to his disciples after that he was risen from the dead. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He said unto him, yes, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, feed my lambs. Amen. Amen. Verse 16. He said to him again, the second time, Simon, son of Jonah, lovest thou me? He said unto him, yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, feed my sheep. Praise Jesus. Amen. Verse 17. He said unto him the third time, Simon, son of Jonah, lovest thou me? Peter was grieved, because he said unto him the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. You know all things. You know all things, you know me. Tu connais tout et tu me connais moi aussi. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, feed my sheep. Praise the Lord. Hallelujah. I believe that. Amen. Amen. You know, he knows Peter. Er kannte Petrus. Il connaissait Pierre. He knows, you know, who John. Und auch Johannes. Et Jean aussi. You know, Jesus did not even treat his disciples equally. Jesus hat seine Jünger noch nicht mal gleich behandelt. Jésus n'a pas traité ses disciples de la même manière. People want to be treated equally. Aber Leute wollen gleich behandelt werden in der Gemeinde. Mais les gens dans des ministères, dans l'église, veulent être traités de la même manière. They want to call it, you know, what do you call it? There's a name they call it. Bias or ratio. You get it. sie wollen einheitlich behandelt werden. Ils veulent être traités de la même manière. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus did not treat all his disciples equally. Jesus hat nicht all seine Jünger gleich behandelt. Jésus-Christ n'a pas traité ses disciples de la même manière. He worked by trust. Er hat durch Vertrauen gearbeitet. Il travaille à travers. He knows the radicals. Er kennt die Radikalen. Il connaît les radicaux. If you want to have Abraham's blessing, you believe like Abraham, you get the same thing. God is no respecter of any person. Gott respektiert einen Menschen nicht mehr als den anderen. Wenn du so glaubst wie Abraham, dann wirst du auch die Ergebnisse vom Abraham haben. Dieu ne respecte pas une personne. It's no respect of any pas de valeur à quelqu'un plus que l'autre. Parce que si toi tu crois comme l'autre, tu vas aussi prendre le résultat comme l'autre. Donc si tu crois comme Abraham, tu vas prendre s'aimer le même résultat. Amen. Amen. He pick and choose who to follow him to places. Er hat immer geschaut, wen er mitnimmt an bestimmte Orte. Jésus-Christ, il a vraiment regardé, il a toujours, il a décidé, il a bien regardé, choisi les gens qui vont partir avec lui dans des places où et laisser les autres. He knows them. He knows those that are radicals. He knows those that we always choose him. Il sait qui est radical et il sait qu'il va toujours être capable de le choisir. He knows those that will never leave him, will never forsake him. Wer ihn nicht verlassen wird, amen. Il connaît aussi ceux qui vont jamais lui abandonner. He knows those that will not be ashamed of him. Wer sich nicht für ihn schämt. Il connaît aussi ceux qui vont jamais avoir honte de lui. That will not be offended in correction. Somebody like Peter. Der Belehrung will you rebuke him? Nicht als Anstoß nimmt. Il connaît aussi les gens qui ne vont pas être offensés à cause de la vérité de Dieu, par exemple, comme Pierre, par exemple, on lui a donné, on lui avait offensé dans la chair, mais lui, il est resté en Jésus-Christ et il a continué avec Dieu. He knows the radicals. Il connaît les radicaux. Amen. Amen. He knows those that are not ashamed of him, people like Paul. Prophet, look at Romans 1:16. Il connaît les gens qui n'ont pas Romans 1:16. Comme Paul, par exemple, si on lit Romains 1:16. Romans 1:16. Romains 1:16. Amen. Romains 1:16. Deine Schere des Evangeliums von Christus nicht. Es ist die Gotteskraft zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, danach für den Griechen. Amen, amen. He said, for I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation. To everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said, through the gospel, it is through the gospel you know the righteousness of God. That's verse 17. Il dit en verset 17 parce que c'est à travers l'évangile qu'on connaît la vérité de Dieu. Believing the gospel of Christ. That's how you are righteous. On doit croire à l'évangile de Dieu et c'est comme ça qu'on reste radical. And it will help you to grow from grace to grace. Das hilft dir von Gnade zu Gnade zu wachsen, von Glauben zu Glauben. Et ça va nous aider à avoir une croissance de grâce à grâce. Amen. Amen. He knows the radicals. Er kennt die Radikalen. Grâce en grâce et il connaît les radicaux. And he chose them to follow him. Et il les choisit de lui suivre dans les places. Mark 5. Go to Mark 5, please. On va lire à Mark 5. Marcus 5. Mark 5, verse 37. Marcus 5, 35. Mark 5, 35. 37. 37, pardon. Mark 5:37. And he suffered no man to follow him, save Peter and James and John, the brother of James. Praise the Lord. Amen. Amen. And also in Transfiguration. Auch als er can you see those he's choosing? Bei der Verklärung. Amen. Amen. You can see the people. Das ist eine Verklärung. You know. Weißt du, was sie meint? Ich da wo er seine Herrlichkeit gezeigt hat. Okay. We are going there now. Okay. Matthew 17. On va voir aussi que lui, il a toujours choisi, comme ici à 37, on voit qu'il avait choisi Pierre, Jacques et Jean. Jean. Frère. Et aussi, James and John. Oui. Et si on lit en Matthieu 5, là on va partir maintenant, on a vu aussi quand il s'est transformé et il ne s'est pas fait montrer à tout le monde. Bon. Praise the Lord. Transfiguration. Are you getting it? Amen. Amen. No, not these three people. No, Peter, James and John. Petrus, Jakobus und Johannes. Amen. Et ces gens ici, Pierre, Jacques et Jean. Matthew 17. Go to Matthew 17. Regardez à Matthieu 17, numéro 1, verset 1. And after 6 days, Jesus take Peter, James and John, his brother, and bring them up into an high mountain apart. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He always chooses the radicals to follow him to places. He knows them. Il choisit seulement toujours les radicaux qui vont lui suivre dans les places où il part. Non, non, in Matthew 26, if you go to Matthew 26 also, the same, you know, the same people. Look at it, Matthew 26. Auch Matthäus 26 geht es auch um die gleichen Leute, die er ausgewählt hat. Même dans Matthieu 26, c'est toujours les trois personnes qui ont toujours été choisies pour lui accompagner dans des places. Und die anderen sind eifersüchtig. Amen. Amen. If you choose Jesus, I will always be there for you. Wenn du Jesus wählst, werde ich immer für dich da sein. Si toi tu es capable de choisir Jésus-Christ chaque fois, moi je suis. If you keep on choosing the flesh, I will run away from you. Aber wenn du das Fleisch wählst, werde ich dich meiden. Mais si tu choisis la chair, moi je veux fuir. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 26, verse 37. Matthäus 26, Vers. And he talk with him. 37. Peter. Matthieu 26, verset 37. You see it. And he talk with him, Peter, and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. The two sons of Zebedee. Look at the sons of Zebedee. If you go to Mark 10, you know the sons of Zebedee. Two sons of Zebedee. Mark 10. 35. Let's go there. Und die Söhne von Zebedeus genommen. Zebedeus. 35. Die Thunder Brothers. On va lire Marc 10. Look at the sons of Zebedeus, verse 35. John, James and John. You see it? Kann ich sehen? James und John, ja, die Sons Mark 10, 35. Mark 10, 35. On va voir les fils de Zebedeus. Amen. Amen. If, yeah. You know, if you see, you know, Matthew 26, verse 37, he said he took with him Peter and the two sons of Zebedee. And for you to know the sons of Zebedee, you go to Mark 10, verse 35. James and John. The same people. Die Söhne von Zebedeus waren Jakobus und Johannes. Und mit diesen beiden Leuten hat er auch wieder weitergearbeitet. Praise the Lord. Halleluja. You know, in John 10, 27, Jesus said he knows the radicals. In Johannes 10, 27 sagt Jesus, er kennt die Radikalen. And Satan knows you so much. Und der Teufel kennt dich auch. La parole nous dit que Jésus-Christ connaît les radicaux et le diable connaît aussi les gens qui sont radicaux et les gens qui ne sont pas radicaux. You know, remember in Acts of Apostles, the devil said, Jesus I know, Paul I know, who are you? Apostel Jesus sagt der Teufel, Jesus kenne ich, Paulus kenne ich, wer bist du? Et en Actes des Apôtres, on voit aussi que le diable a dit aux gens, il disait que moi, Paul, je connais, Jésus, je connais, mais toi, qui es-tu? It's not only Jesus that knows you, Satan knows you. Nicht nur Jesus kennt, sondern der Teufel kennt dich auch, dass du unantastbar bist. Donc, cela nous prouve que le diable connaît qui nous sommes et si tu es radical ou pas. Parce qu'il sait que, ah, si tu sais une personne qui est radicale, c'est un peu chaud si j'y vais là-bas. Praise the Lord. Let's go to John 10. Johannes 10. On va lire Jean 10. Verse 27. Johannes 10, 27. Jean 10, 27. He said, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Are you getting something? Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Amen. Mes brebis connaissent mes chemins, mon chemin et ils me suivent. He said, he knows the radicals. Il connaît les radicaux. He said, I know my sheep, but not all sheep. Ich kenne meine not Schafe, all, nicht alle anderen, aber meine kenne ich. Et moi, je connais les sheep, pas tout le monde. I only know mine. Ich kenne nur meine. Je connais les miens. Praise the Lord. Oh. Ah, je connais mes brebis, pardon. It's all sheep and not all sheep. Nicht alle anderen. Il connaît ses propres brebis et pas tous les autres brebis. His sheep his own sheep are the radicals for him. Seine Schafe sind die Radikalen für ihn. Ses brebis sont ceux qui sont radicaux en lui. Those that believe him and choose him always. Die glauben und ihn immer wieder wählen. Always choose him. Immer wählen, egal wie hart es ist. Peu importe comment c'est difficile, il choisit toujours leur maître. No matter the threat from big brother, big sister, big people, you know, the nature of family, no matter the threat from them. Egal wie groß die Bedrohung ist, sie entscheidend für Christus. Peu importe aussi, ils doivent être contre leurs frères, sœurs, mères, je ne sais pas qui, eux, ils choisissent toujours Jésus-Christ. Amen. Amen. Look at verse 26. Regardez verset 26. But you believe not, because you are not my sheep. You see it. It's only a sheep that believes. You might be going to the same church, but you are not Christ's sheep. Amen. Il dit ici, vous ne croyez pas, pourquoi? Parce que vous êtes pas mes brebis. Donc ça signifie que même si vous partez dans la même église, vous n'êtes pas, les mêmes. If people are not believing, you don't be surprised because they are not his sheep. Wenn Leute nicht they are his sheep, they will believe. Si les gens ne croient pas, c'est leur problème. Parce que s'ils étaient les brebis de Dieu, ils allaient croire aussi à leur berger. He knows those that will not believe him. Er kennt die Leute, die ihm nicht glauben werden. Il connaît ceux qui vont pas le croire. They might even pretend to believe him. Sie tun vielleicht so, ihm zu glauben. Quelquefois, malgré, ils prétendent de le croire. But he says, you are not my sheep. Aber er sagt, ihr seid nicht meine Schafe. Mais lui, il les connaît, ils disent que vous êtes pas les miens. In verse 29. Verset 29. Amen. He said, my father which gave them me is greater than all. And no man is able to pluck them out of my father's hand. Are you getting it? You have guarantee. Garantie. Ici, il nous dit que mon père qui me les a donnés, il est plus grand que vous tous et personne ne peut les arracher de ma main. He said, no one can take the radicals away from Jesus. Niemand kann die Radikalen von Jesus wegnehmen. Il n'y a personne qui peut prendre les radicaux de la main de Dieu. Because his father is the one that gave the radicals to him. Denn sein Vater hat ihm die Radikalen gegeben. C'est son père qui les a donné les radicaux. Is somebody getting something? Amen, amen. Praise the Lord. Amen. His father is the one that gave the radicals to him. Denn sein Vater hat ihm die Radikalen gegeben, nicht das Fleisch. C'est le père qui les a donné les radicaux, c'est pas la chair. Amen. Amen. Let us read it from verse 1. That this John 10. I love this very place. Amen. Amen. Praise the Lord. He said, verily, verily, I say unto you. On va lire verset 1. John 10 from verse 1. Jean 10, verset 1. Are we there, please? Mm-hmm. He said, verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbed up some other way, the same is a thief. He's talking about religion. Il est sans religion. Ici, il parle de religion. Amen. Amen. He's talking about religion. Il est sans religion. Look at it, that verse 1 again. He said, verily, verily, I say unto you, but he that entereth not by the door, he call it the door. Did not say by the door, the only door. It means there's only one door. Donc ici, il nous fait the door. Und nicht eine Tür, sondern die Tür. Es heißt, es gibt nur eine Tür. Il dit que celui qui n'entre pas par la porte, une porte, pas les portes différentes. Then in verse 9, look at it. I am the door. You see there? He now revealed it. He said, I am the door. Dann offenbart er es, ich bin die Tür. Et puis après, il se révèle comme la porte qu'il est. He did not say, not something, what he did not say, I am a door. Er hat nicht gesagt, ich bin eine Tür. Il n'a pas dit que je suis une porte. Il a concrétisé ça. Il a dit que je suis la porte. Just like what he said in John 14, verse 6. I am the way, the truth, and the life. Genau wie das, was in Johannes 14, exactly 6 sagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Licht. C'est comme si la même chose qu'il a dit à Jean. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Notice something here. Please, D, the door, D. It is very important. Es ist sehr wichtig, dass wir erkennen, dass die Tür. Regardez encore ce qu'il a écrit, la porte. If I say this is a pen, this is a pen, or this is the table, this is the table. If I say this is the table, it means there is no other table around. Aber wenn ich sage, dass das der Tisch ist, dann heißt es, es gibt keinen anderen Tisch, sondern nur diesen einen. Si je dis que c'est une table, ça signifie qu'il n'y a pas autre table, c'est cette table. Amen. Amen. If Jesus has said, I am a way, gesagt, it means there are other ways to God. Würde es heißen, dass es andere Wege zu Gott gibt. Si Jésus disait que je suis un chemin, ça signifie qu'il y aura un autre chemin aussi vers Dieu. But he said, I am the way. Weil er sagt, ich bin der Weg. Mais il a dit que je suis le chemin. The, you have to know, understand the meaning of that the. The means I am the only. The only. Der Weg heißt, ich bin der einzige Weg. Le chemin, ça signifie qu'il est le seul. On doit comprendre la signification de le et une. He said, I am the door. It means there is no other door. Er sagt, ich bin die Tür. Das heißt, es gibt keine andere Tür. Il a dit que je suis la porte. Ça signifie qu'il n'y a pas d'autre autre porte. I am the way. It means there is no other way. Oder ich bin der Weg. Das heißt, es gibt keinen anderen Weg. Je suis le chemin. Donc, il n'y a pas d'autre chemin. He said, if you go through other way, you are a thief. Er sagt, wenn du durch einen anderen Weg gehst, bist du ein Dieb. Through religion, tu you are a thief. Tu vas à travers autre chemin, donc tu es un voleur. The same name he called the devil, the thief coming over to steal, kill, and to destroy. The same thief he called the devil. He called you if you go through another way. Und er nennt dich genau wie er den Teufel ein Dieb nennt. Ein Dieb, wenn du durch einen anderen Weg versuchst zurückzukommen, außer durch ihn. Donc il t'appelle, ça signifie que quand tu essayes de partir vers Dieu, mais à travers autre chemin, donc tu es un voleur. C'est ce qu'il dit dans le verset numéro 1. From verse 2 to verse 5 of this very place, John 10, Jesus is saying there is a deep and great relationship between him and the radicals. Also, es steht von 2 bis 5, Vers 2 bis 5, dass es gibt eine tiefe Beziehung zwischen ihm und den Radikalen. Donc, ça nous, verset 3 à 5, ça nous dit aussi qu'il y a une relation plus profonde entre Jésus-Christ et les radicaux. In verse 4, look at verse 4. And when he put forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. The radicals know his voice. You know where your father is speaking. You don't know that this is my father. Les radicaux connaissent la voix de leur père. Ils savent quand leur père est en train de parler. Are you getting something? Praise the Lord. Verse 5. He said, a stranger we did not follow. Are you getting something? Verse 5. They will not, the radical will not follow the stranger. They know the stranger. They know them. They will not follow them. Because they know the difference between the voice of their father and the voice of strangers. Weil sie den Unterschied kennen zwischen der Stimme des Fremden und der Stimme ihres Vaters. Verset 5 nous dit que les radicaux, eux, n'écoutent jamais la voix d'un étranger parce qu'eux, ils connaissent la différence entre la voix de leur père et de l'étranger. Look at it. He said, and a stranger we dare not follow, but we flee from him, for they know not the voice of the strangers. They say, I'm not used to this voice. Ich bin nicht gewöhnt an diese Stimme. Let me prove the voice. Ich muss die Stimme prüfen. This is not the voice of my father. Das ist nicht die Stimme meines Vaters. Deswegen muss ich diese Stimme prüfen. Les radicaux ils disent toujours que ça peut pas être la voix de mon père. Donc c'est pour cela que je dois vraiment l'examiner, ce que je viens d'écouter et savoir si c'est mon père ou pas. Beware of the voice you follow. Nimm doch Acht vor der Stimme, die du hörst. Faut faire attention de celle la voix que tu es en train de suivre. Amen. The voice of strangers are there. They are everywhere. Denn es gibt die Stimme des Fremden. Parce que les étrangers ont aussi leur voix autour de nous. The radicals follow You know, the radical for Christ follow the voice of Christ. And not the voice of Satan. Der Stimme von Christus, nicht der Stimme des Teufels. Les radicaux de Jésus-Christ, eux, ils suivent que la voix de Jésus-Christ et pas la voix de l'étranger, le diable. The voice of the spirit and not the voice of the flesh. Die Stimme des Geistes und nicht die Stimme des Fleisches. La voix de l'esprit et pas la voix de la chair. The voice of life and not the voice of death. Amen. Die Stimme des Lebens und nicht des Todes. La voix de vie et pas de la voix de la mort. The voice of light and not the voice of darkness. Die Stimme des Lichts und nicht der Dunkelheit. La voix de la lumière et pas la voix de l'obscurité. The voice of Jesus Christ and not the voice of the natural parents, mother, father, brothers and sisters. The natural, the flesh. Der natürlichen Familie. Et la voix de Jésus-Christ et de l'esprit et pas la voix de la chair des parents naturels. Even in Old Testament, the Lord, he just know the radicals. Know Job. Même dans l'Ancien Testament, Dieu connaissait les radicaux et connaissait Job. He knew him. Il lui connaissait. What about you? Was mit dir? Et toi? Amen. Amen. Do you believe the Lord know you? Glaubst du, dass der Herr dich kennt? Amen. Amen. What about you? Et toi? C'est quoi avec toi? You know, can Christ rely on you? Kann sich Christ auf dich verlassen? Est-ce que Dieu peut vraiment te faire confiance? Can he trust you? Kann dir vertrauen? Est-ce qu'il peut te faire confiance? Maybe in the church. But outside the church, can he trust you? Vielleicht in also, der just like, you know, in Gemeinde, the church. Aber was ist mit außerhalb der Gemeinde? After church. Amen. Qu'est-ce que peut-être il peut te faire confiance à l'église, mais après l'église, est-ce qu'il peut te faire confiance? Can he trust you before your natural parents? Kann dir vertrauen vor deinen natürlichen Eltern? Est-ce qu'il peut te faire confiance devant tes parents naturels? You know, when you once you hear their voice, you are going to choose between them and Jesus Christ. Wenn du ihre Stimme hörst, wirst du dich entscheiden zwischen ihn und Christus. Can Christ trust you? Kann Christus dir vertrauen? Est-ce que quand tu écoutes la voix de l'esprit de la chair de Dieu et la voix de tes parents naturels, est-ce que tu es capable de choisir Dieu et de les laisser? You know, he boasted of Job to Satan. Can he boast of you? Über dich. Par exemple, quand on voit l'histoire de Job, il était vraiment fier. Il était vraiment fier de Job. Il a dit ça même au diable. Il a dit que moi, je connais mon fils. Je suis vraiment fier. Amen. Est-ce que lui peut parler ainsi au diable quand il s'agit de toi? Before your natural, before the flesh, your son, my daughter. Can Jesus trust you? Kann Jesus dir vertrauen? Est-ce que Dieu peut te faire confiance quand il fait? Or they are number one in your life. Quand il s'agit de la famille naturelle, ou bien c'est eux qui sont tes numéro un. I pity people that keep on digging their graves. Ich bemitleide Menschen, die ihr Grab graben. Moi, ça me fait pitié des gens qui sont en train de creuser leur propre tombe. Amen. Amen. Can he trust you? Kann er dir vertrauen? That you will choose him and not reject him. Est-ce qu'il peut te faire confiance que toi tu vas toujours continuer à lui choisir et pas le rejeter? Can he trust you that you will choose him and reject him? Kann er vertrauen, dass er dich wählt, dass du ihn wählst und alles andere verweigerst? Est-ce qu'il peut te faire confiance que toi tu vas lui choisir toujours et rejeter tout autre chose? Hide your movement. Du versteckst deine Bewegungen vor Kinder Gottes. Quelquefois, tu es en train de cacher tes mouvements devant les enfants de Dieu. You don't want God, Christ to know those you move with. Du willst nicht, dass Christus die kennt, mit denen du Zeit verbringst. Tu veux pas que les enfants de Dieu sachent avec qui tu es en train de passer ton temps. You don't want God's children to know those you move with. Du willst nicht, dass Kinder Gottes wissen. I see it is between you and them. So, als ob es zwischen dir und ihnen ist. Tu veux pas qu'ils puissent savoir avec qui tu es en train de traîner parce que... si c'était quelque chose entre toi et les enfants de Dieu, mais il s'agit de toi et de Dieu. Stop digging your grave. Donc, faut pas commencer et continuer de creuser ta tombe. Stop digging your grave. Arrête de creuser ta tombe. Amen. You are digging your grave. Wir graben unser eigenes Grab, sagt der Herr. Dieu dit que tu es en train de creuser ta tombe. You better repent before it is too late. Bevor es zu spät ist. Et c'est pour cela que tu dois te repentir avant que ça soit trop tard. You hide your visitor from God's children. Wir verstecken unsere It means you know what you are doing. Das heißt, wir wissen, was wir He's tun. Wrong. Tu es en train, tu es en train de cacher tes visiteurs devant les enfants de Dieu, mais ça c'est faux. C'est quelque you chose. Hide them because you hate correction. Wir verstecken sie, weil wir Belehrung hassen. Tu es en train de le cacher parce que tu n'aimes pas la correction. John 15. Johannes 15. Jean 15, par exemple. On va lire Jean 15. John 15, verse 22. Look at what Jesus says. Jean 15, verset 22. If we don't correct them, they don't have sin. Are you getting it? Si on les corrige pas, ils n'ont pas. You know the meeting we have today. Das le meeting qu'on avait aujourd'hui. Any correction, you are correcting people, and you know they better accept it. If not, you know. Look at what Jesus said here. Les corrections, quand Jésus-Christ te corrige, tu dois vraiment l'écouter, l'entendre. He said, if I had not come and spoken unto them, they had not had sin. But now they have no cloak for their sin. I don't know if you understand it. Wenn ich gekommen wäre, um zu ihnen zu geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Si je n'avais pas accompli au milieu d'eux des œuvres que jamais personne d'autre n'a fait, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, bien qu'ils l'aient vu, ils continuent à nous haïr, et moi et mon père. You know, God's children are not correcting you. They are not there for you. Telling you they are come, you know, return to your first love. Come to, you know, allow Jesus to be your focus. You have no sin. Wenn Kinder Gottes dich nicht belehren würden, dich nicht darauf aufmerksam machen würden, dann hättest du keine Sünde, dann wäre alles in Ordnung. Weil du kannst dir nichts dafür, sozusagen, wo du die Weide noch nicht gehört hast. Si les gens de Dieu, les enfants de Dieu te corrigent, c'est... If you don't know the truth, you have not had sin. Hast du keine Sünde? Si tu n'as pas écouté la vérité, tu n'as pas le péché. Du kennst die Wahrheit. Whatever you are hiding from God's children are evidence against you. Verheimlichen sind, whatever you hide from God's children, they are evidence against you. Zeugnisse gegen uns. Donc tout ce que tu es en train de cacher devant les enfants de Dieu, c'est une évidence, un témoignage contre toi. Whatever you are hiding is going to prove that you know the truth. It's going to prove you out. Was immer wir verstecken, zeigt, it's dass wir proof that you know die Wahrheit the truth. Kennen, aber dennoch unsere Werke verstecken. Tout ce que tu es en train de cacher vers aux enfants de Dieu, c'est ça montre que tu. But you keep on rejecting and ignoring it. Wir verweigern es ständig wieder. Et mais nous on continue toujours à le rejeter. You know the message we preach here is evidence against you. Die Botschaft, die wir jetzt predigen, ist ein Zeugnis gegen uns. Le message qu'on est en train de prêcher ici, c'est toujours un témoignage contre nous. The message we preach here, and you keep on rejecting, they are evidence against you. Wenn wir das immer wieder verweigern, sind das Zeugnisse gegen uns. Et mais si on continue toujours à le rejeter, c'est une évidence contre nous. Stop digging your grave. Hör auf, dein eigenes Grab zu graben. Arrête de creuser ta tombe. You know, this message, all the message you hear, that you hear, you keep on hearing. They will judge you on that day. That's what Jesus said in John 10. Let's go there. Uns richten. John 10. John 12, sorry. John. Vont nous condamner au jour du jugement. John 12. Hannes? John 12. Jean 12. Verse 48. Verset 48. He said, he that received me and received not my words. You see it. He received me, but he rejected my words. Für mich erhebt aber meine Worte verweigert. He that rejected me and received not my words. You reject me, you reject my words. Receive not, you don't believe my words. Hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Do you get something there? The message here, the correction is your judge on that day that will judge you, not even the people. Die Botschaft, die wir hören, ist das, was uns richten wird. Le message qu'on entend, c'est ça qui va nous juger. Jean 12, 48, celui donc qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai prononcée, elle le jugera au dernier jour. Praise the Lord. Alléluia. Look at John 15, verse 22. Johannes 15, 22. Jean 15, 22. If I had not come and spoken unto them, they had not had sin. But now they have no cloak for their sin. If the true God children have not spoken to you, correct you, you have no sin. Wenn die wahrhaftigen Kinder Gottes dich nicht belehrt hätten, dann hättest du keine Sünde. Si les vrais enfants de Dieu. I'm repeating it so that you get it. Si les vrais enfants de Dieu ne t'ont pas corrigé, ça veut dire que tu n'es pas fautif, que tu es sans péché. Ich wiederhole es, damit wir es verstehen. Et je répète pour qu'on puisse vraiment le comprendre. He said, you know, you don't have excuse for your sin. Wir haben keine Ausrede für unsere Sünde. On n'a pas d'excuse pour nos péchés. The birthday parties you hide. Die Geburtstagsfeier, die wir verstecken. Les fêtes, les anniversaires, c'est ça que tu caches ou tu vas en cachette. They are evidence against you. Sind Zeugnisse gegen uns. Ce sont des évidences contre toi. The marriages you go to. You keep on hiding from God's children. Les mariages où tu vas sans partager avec tes frères et sœurs en Christ. Amen. The gathering together. Die Versammlung. That you gather together with them. Les assemblées. You know, you hide les rassemblements que tu as avec eux, que tu fais en cachette. You cannot hide them. You cannot hide them from Jesus. You cannot hide them from devant Jésus Christ et ni devant Jésus Christ et ni devant le diable. They are all evidence against you. Das sind alles Zeugnisse gegen uns. Ce sont des preuves contre toi. They will judge you on that day. Sie werden uns richten an dem Tag. Et ces preuves vont te juger. Any relationship you have with people. Die versteckten Beziehungen, die wir zwischen haben. Les relations privées que tu as avec les enfants de you hide and visit them. Wir verstecken sie und wir besuchen diese Menschen. On cache ces relations, mais on courtoie toujours ces personnes. And you keep on doing it. Und wir tun es immer wieder. On continue à le faire. You keep on digging your grave. Und graben damit unser Grab. Et avec ça, tu creuses ton whoever corrects you become your enemy. Und wer auch immer dich belehrt, wird zu deinem Feind. Et la personne qui te corrige devient ton ennemi. You add them to your hate list. Und wir fügen sie hinzu zu unserer Liste. Et tu les ajoutes dans ta liste des personnes que tu es. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. You know, your action, your words, your behavior reveal to us who those you move with. The wrong people you move with. Dein Verhalten, deine evil, Art evil you move with. Mit was evil für people. Leuten du Zeit verbringst. Deine Art, oder wie du bist, zeigt, mit was für Leuten du Zeit verbringst. Ton comportement reflète ton entourage. If you move with Christ's children, you will speak like them. Wenn du mit den Kindern Gottes aller like Zeit verbringst, wirst du so wie sie sprechen und handeln. Si tu passes ton temps avec les enfants de Dieu, tu vas aussi te comporter comme un enfant de Dieu. If you move with religious people, you will be like them, exactly. Wenn du mit religiösen Leuten Zeit verbringst, wirst du genauso wie sie sein. Mais si tu côtoies seulement les gens qui sont dans la religion, toi aussi tu seras comme eux. Their doctrine. Ihre Lehre. Amen. Will become your doctrine. Zu deiner Lehre. Va devenir ta doctrine. If you go to Acts 4, verse 13. Apostelgeschichte 4, 13. Actes des Apôtres 13. You know, through Peter and John's words. Durch die Worte von they noticed they have moved with Jesus. Haben sie gemerkt, dass diese Leute mit Jesus anscheinend Zeit verbracht haben? À travers, nochmal. Durch die Worte von Petrus und Johannes konnte man sehen, dass diese Leute mit Jesus Zeit verbracht haben. Okay, à travers le mot de Pierre et Jean, on a pu voir que ces deux ont courtoyé Jésus, qu'ils étaient avec Jésus, qu'ils étaient entourés toujours des enfants de Dieu. Stop digging your grave. Fais auf dein Grab zu graben. Arrête de creuser ta tombe. Your hidden agenda, your hidden motive are all evidence against you. Unsere verborgenen Motive sind Zeugnisse gegen uns. Nos motifs cachés sont des évidences, sont des preuves contre nous. You come here, you know, you come here. You ask questions with evil motive. Wir kommen hier hin und stellen Fragen und stellen Fragen, die böse Motive haben. Und wir, ich sehe hinter diese hinter die Frage. Quand si par exemple tu viens ici et tu poses des questions avec avec une mauvaise intention, j'arrive peut-être la question peut paraître légitime, mais you moi je vois pretend before the Holy le motif. Spirit. Je vois ton intention. Wir können dem Heiligen Geist nichts vormachen. Tu peux pas tromper le Saint-Esprit. Praise the Lord. Alleluia. You know Ananias and Sapphira. You know they did not know they were digging their grave. Ananias und Sapphira wussten nicht, dass sie ihr Grab graben. Ananias et Sapphira, ils savaient pas qu'ils étaient en train de creuser leur. You know this husband and wife. His Ehepaar. No. C'est deux mariés. No, husband and wife. Ehepaar. That's why to marry, please, let it be Christ. C'est zu heiraten, lass bitte zu, dass es Christus ist. C'est pour ça quand vous vous mariez, faut être sûr que c'est Jésus-Christ. If you go to Acts 4 and 5 and read it, I don't know where the suggestion, you know, their attitude, their behavior came from. But they did not know that they were digging their grave. Ich weiß nicht, woher das Handeln von Ananias und Sapphira kam. Aber sie haben ihr Grab gegraben und wurden beide getötet. Je sais pas d'où venait leur attitude, leur comportement, mais inconsciemment ils ont creusé leur tombe et ils ont été tués. They were having hidden agenda. Sie hatten verborgene They did not know that they were digging their own grave. Sie wussten nicht, dass sie ihr eigenes Grab haben. They were both killed. Sie wurden beide getötet. Ils savaient pas qu'ils étaient en train de creuser leur tombe et ils ont été tués. This very place is dangerous for you. Diese Stelle ist gefährlich für uns. Et cet endroit just est like très that, dangereux pour nous. Just like that very place was dangerous for Ananias and Sapphira. Genauso wie die Stelle gefährlich war für Ananias und Sapphira. Comme nous montre l'exemple de Ananias et Sapphira. You know, they did not know how dangerous that place was for them. Sie wussten nicht, wie gefährlich die Stelle ist. Ils savaient pas à quel point cet endroit était dangereux pour eux. Let me just advise you: if you cannot choose Jesus, you better get away from here. Wenn wir uns nicht für Jesus entscheiden können, dann müssen wir gehen. Si tu n'arrives pas à choisir Jésus-Christ, il est mieux de te séparer de nous ici. If you cannot choose Jesus completely in this ministry, please get out. Wenn du Jesus nicht vollkommen wählen kannst, dann bitte geh von dieser Gemeinde. Si t'arrives pas à te soumettre 100% à Jésus, c'est il est mieux de quitter cette église. Because I know it's so dangerous for you. Ich weiß, es gefährlich ist für uns. Parce que je sais que c'est très très dangereux pour vous. You are playing with fire. Tu joues avec le feu. Tu joues avec le feu. Ananias and Sapphira did not know that they were playing with fire. Ananias et Sapphira, et Ananias et Sapphira ne savaient pas qu'ils jouaient avec le feu. Maybe they did not see somebody to warn them. But you see somebody warning them today. Aber wir haben Leute, die uns warnen heute. Peut-être qu'il y avait personne qui était là pour les prévenir. Mais aujourd'hui, nous, on a des personnes qui nous donne des conseils, qui nous préviennent. Amen. Amen. You have somebody, you have people warning you today. Leute, die uns warnen. Correcting. Die uns belehren und belehren. T'as des frères et sœurs aujourd'hui qui te corrigent et qui te préviennent. I don't know if they have people that warn them. Ich weiß nicht, ob maybe they could have taken to correction. They could have Ananias und seine Frau jemanden hatten, der sie belehrt hat. Vielleicht hätten sie diese Belehrung annehmen sollen. Je sais pas si Ananias et sa femme ont eu ce privilège, mais s'ils l'auraient eu sûrement, peut-être qu'ils auraient pu repentir et éviter la mort, éviter d'être tués plutôt. Oh, they had people, but they just refused to repent. Sie hatten Leute, aber haben sie einfach geweigert, Buße zu tun. Ou alors peut-être qu'ils ont aussi peut-être des gens qui étaient là pour eux, mais ils ont refusé de repentir. To repent or get out of the midst of God's children. Buße zu tun oder aus den Kindern Gottes rauszugehen, denn wir können Christus nichts vormachen. Donc soit tu dois te repentir ou alors tu dois t'écarter des enfants de Dieu. The Holy tu ne peux pas tromper le Saint-Esprit. The Holy Spirit will not be quiet to see you polluting and trying to, no, no, To see you be polluted and try to pollute his own church. Der Heilige Geist will not be quiet with you. Du andere Leute pollute others. Und seine Gemeinde. Le Saint-Esprit va pas se taire s'il voit que tu es pollué et que tu es en train de polluer son église ou ses enfants. He cannot keep on waiting to see you be polluted and you want to pollute others. Er kann nicht zulassen, dass the rotten apple. You already destroyed or spoiled other apples. Dass du andere und dich verunreinigst. Il va pas te permettre de polluer tes frères et sœurs en Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in Galatians 5:9. Another doctrine. They were, you know, people were teaching them another doctrine. And Paul was not happy about it. Paulus war nicht erfreut darüber. In the church. Dans Galates, Paul nous dit qu'il n'était pas content que quand on essayait de leur apprendre une autre doctrine. Galates. You are so rude to Jesus. Ich glaube 5:8. Galatians 5:9. Galatians 5:9. Go there, please. Galatians 5:9. Galatians 5:9. See it. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If you read the whole of this Galatians 5, people were preaching wrong doctrine to the people. Haben Leute eine falsche Lehre den Kindern Gottes weitergegeben. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And Paul was not happy about it. Und Paulus war nicht erfreut darüber. Paul n'était pas content des autres prêcheurs qui. If you read it from 1 to 14, amen. Galatians 5. Galatians 5. Le tout à la maison. 5:1 to 14. Galatians 5. De Galatians 5, de 1 à 14. Mais ici on va dire seulement 8, je pense. Praise the Lord. Alléluia. And if you quickly go also to Matthew 16, verse 6. Matthieu 16 aussi, verset 6, la même chose. Verse 6. Then Jesus said unto them, take heed and beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. Are you getting something? Erinnert euch an Acht vor dem Sauerteig der Maintenant, il y a Matthieu 6. 6. Beware of their doctrine, evil doctrine. Faites attention à leur doctrine. Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu 16. 6, pardon. Amen. You know the doctrine of the Sadducees and the Pharisees. If you go to Acts 23, verse 8, you will see their doctrine, what they believe. One is so close to Jesus, the doctrine. Die Lehren der Sadduzäer können wir uns an einer anderen Stelle anschauen. Eine Lehre ist so nah und die andere ist etwas weiter weg von dem, was Jesus Christus predigt. Si on va dans l'acte des apôtres, la doctrine des pharisiens et des ados. Comment on les appelle? Les Sadducéens. On peut voir que leur doctrine est peut-être comparable ou ressemble un peu à celle de Jésus-Christ, mais c'est pas la vraie doctrine. You are rude to Christ, and you want to teach others to be like you. Wir sind gemein zu Christus und wollen anderen lehren, genauso gemein zu sein. Donc on est mauvais envers Jésus-Christ et on veut que les gens nous suivent à être mauvais dans envers Jésus-Christ. I hope you will listen to this message and choose Christ. If not, if you cannot choose Christ, please get away from us. We don't need you. Dass ihr euch diese we don't want you here. Und Christus zuhört, weil sonst können wir euch nicht hier haben. J'espère que vous allez entendre ce message et accepter ce message, mais sinon il est mieux de quitter cette Christ cette église, want parce qu'on on vous veut pas ici si vous avez une autre doctrine. Christ want us to separate from you. Christus will, dass wir uns trennen. Because you refuse to repent. Wenn weil du dich entscheidest, keine Buße zu tun. Le Christ veut qu'on se sépare de toi si tu veux pas repentir. Amen. Amen. Few can allow the old living, you know, the old life to go. Du das alte Leben nicht loslassen kannst. After years of being in the house of Christ, ton ancienne vie, then you après have a problem. Tant d'années dans Königreich Gottes, hast du ein Problem. Sorry. Your trust is so much on you. Aber dein Vertrauen liegt so sehr auf dir selbst. On your flesh. Auf dein Fleisch. Tu fais trop confiance en ta chair, en toi-même. You are of your flesh. Du gehörst zu unserem Fleisch. Tu appartiens. And the Lord said, woe unto you. Und der Herr woe unto you. Those that depend on their flesh. Sagt wehe denen, die sich auf ihr Fleisch verlassen. Et Jésus Christ, et Dieu nous dit que garde celui qui a confiance en sa chair. Leave us alone. Deswegen lasst uns in Ruhe. C'est pour ça, laisse-nous tranquille. Leave the church alone. Lass die Gemeinde in Ruhe. Leave the message alone. Lass die Botschaft in Ruhe. Le message en paix. Leave Christ's family alone. Lass die Familie in Christus in Ruhe. Laisse la famille du Christ. You want your sister that keep on choosing Christ to reject Christ and ignore him just like you always do. Wir wollen das, du willst vielleicht, dass deine Schwester Christus auch so ignoriert oder verweigert, wie du das tust. Tu veux peut-être que ta sœur rejette le Christ comme toi tu le fais. Christ will not allow it. He will never allow it to work for you. Aber Christus wird das nicht zulassen, dass das funktioniert. Mais Jésus Christ ne va pas permettre que ça puisse arriver. Amen. Amen. That evil spirit in you will destroy you. Und dieser böse Geist, der in dir ist, den zerstören wir. On détruit le mauvais esprit qui est en toi. Jesus to come in. Wenn wir nicht zulassen, dass Jesus Christus in unser Leben eingeht und unser Leben durchdrängt. Si tu permets pas que Jésus Christ entre dans ta vie. You want your sister to choose your parents that never choose Christ. Aber it will never work for you. Du willst, dass deine Schwester deine Eltern wählt. No work for all of you. Für die sich nicht für Jesus entscheiden, aber es wird nicht funktionieren. Es wird für niemanden funktionieren. Ta sœur choisit tes parents qui n'ont jamais choisi Jésus Christ. You want your so-called sister that never reject Christ or ignore him to be there for your Muslim brothers that reject Christ again and again. Wir wollen das, it will never work for all of you. In Jesus' name. Du willst, dass deine Schwester, die sich für Christus entscheidet, sich für deinen muslimischen Bruder entscheidet, aber es wird nicht funktionieren. Tu veux que ta sœur choisisse ton frère musulman, mais ça ne va pas, ça va. On le rejette en Jésus Christ. We have learned to choose Jesus. Wir haben gelernt, Jesus zu wählen. On a appris à choisir and Jésus we Christ. Continue to choose him. Wir werden ihn weiterhin wählen. On va continuer à le choisir. Amen. Amen. If it's separate family or not, we don't care. Ob er Familien trennt oder nicht, das ist uns egal. Si il sépare une famille ou pas, ça ne nous concerne pas. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. If here is not your home, then you don't have anything to do here. Wenn das hier nicht wenn die Gemeinde nicht dein Zuhause ist, dann hast du hier nichts zu suchen. Si l'assemblée n'est pas ta maison, tu n'as rien à faire ici. How many people were saved in the old world? Wie viele Leute waren errettet in der alten Welt? On Sunday we go there. Amen. Seulement 8 personnes ont été sauvées dans l'ancien monde. C'est compliqué. On va en parler dimanche. Only 8 people. After Noah preached for more than 100 years. Imagine, only 8 people were saved. Après que Noé a prêché pendant 100 ans, seulement 8 personnes ont été sauvées. You have the right to go to hell. The pool of others along with you. Aber wir dürfen nicht andere Leute mit uns ziehen. Tu as le droit de partir en enfer, mais I will repeat again, please leave us alone. Deswegen werde ich wiederholen, lass uns bitte in Ruhe. Pas d'autres personnes avec toi. Je vais le répéter. Since you refuse to repent. Wenn du dich weigerst, Buße zu tun. Si vraiment tu refuses à te repentir. And once you go, go with your wife, please. And with your children. Wenn du gehst, dann geh mit deinen Kindern und geh mit deiner Frau. Et si tu pars, là tu vas partir avec ta femme et tes enfants. And we will have nothing to do with you. Wir werden dann auch nichts mit dir zu tun haben. We can see that very place, your place is so polluted. Weil wir sehen, dass dieser Ort von dir so verunreinigt ist. Parce qu'on peut voir que l'endroit où tu te trouves est vraiment pollué. We don't want that pollution to come to the house of Christ. Wir wollen nicht, dass diese Verunreinigung in das Haus Gottes kommt durch irgendjemanden. On veut pas que cette pollution vienne dans la maison de Dieu. You know John 6. John 6. You know when Jesus told them they will eat his flesh and drink his blood. Our Lord left him. In Johannes 6, als Jesus gesagt hat, sie werden mein Fleisch essen und mein Blut trinken, haben viele ihn verlassen. Quand Jésus a dit que vous allez manger ma chair et boire mon sang, beaucoup de ses disciples l'ont quitté. You know, Jesus said to the disciples, will you also go? Jesus hat den Jüngern gesagt, werdet ihr auch gehen? Et il a demandé aux disciples qui sont restés, est-ce que vous allez aussi partir? Amen. Amen. Who want to follow them can follow them, please. Wer ihnen folgen möchte, kann ihnen folgen. The door is open. Die Tür ist auf. La personne qui veut le suivre peut le suivre. La porte est ouverte. Amen. Amen. And that is why once they go, no one should have contact with them from here. So niemand Kontakt haben mit ihnen hier. Et c'est pour ça que si ils partent, personne doit avoir encore une relation avec eux. Because you cannot be there and you cannot be here at the same time. Du kannst nicht da sein und hier zur gleichen Zeit. Parce que tu peux pas être ici et là-bas. We gave them a lot of time to repent. Wir haben ihnen viel Zeit gegeben, Buße zu tun. On leur a donné beaucoup de temps pour repentir. But they refused to repent. Aber sie haben sich geweigert. Mais ils ont refusé. Just like God gave King Herod time to repent. Genauso wie Gott König Herodes Zeit gegeben hat, Buße zu tun. Tout comme Dieu a donné beaucoup de temps à Hérode de repentir. And he took his son away from the city, from the country, and took him to another country, so that King Herod will repent. But the king refused to repent. Und Josef und Maria haben Jesus mitgenommen nach Ägypten, um sich dort vor dem Herodes zu verstecken. Und auch in der Zeit hat Herodes keine Buße getan. Marie et Joseph sont partis avec Jésus en Égypte et dans ce temps-là, même dans ce temps-là, il n'a pas pu repentir. Amen. God, you know, the Lord was not afraid of King Herod. He was not afraid of him. Der Herr hatte keine Angst vor König Herodes, sondern er wollte, dass er Buße tut. Give him time. Dieu n'avait pas peur de Herod. Il voulait seulement lui donner du temps. Amen. Repentir. He was not afraid of him. Er hatte keine Angst vor ihm. Il n'avait pas peur de lui. He loved to see people. He hated to see people dying and going to hell. Denn er hasst es, zu sehen, wie Leute sterben. That's why he gives time. Deswegen gibt er Zeit. Il nous donne du temps parce qu'il déteste voir les gens mourir et partir en enfer. But he refused to repent. Er hat sich geweigert, Buße zu tun. Mais il n'a pas voulu repentir. He also gave Lucifer time to repent in heaven. Er hat auch Lucifer Zeit gegeben, um Buße zu tun. Tout comme il a donné du temps à Lucifer de retrouver le droit chemin, de se retrouver. Amen. He gave Lucifer time to repent in heaven, but he refused. Er hat sich geweigert. And he was cast out. Il a refusé. Vertrieben. Il a refusé. Il a été chassé du ciel. He did not continue to tolerate him. Because he was going to pollute all the angels. Weil er all die Engel verunreinigt. Are you getting it? Il lui a donné un certain temps, mais après ça, il pouvait plus continuer à tolérer son comportement. Parce que sinon il aurait pollué les autres anges. You can see how many angels follow him. Those he already polluted. Amen. On peut voir que beaucoup d'anges l'ont suivi, ceux qui ont été pollués. Paul said we are to separate from you. Paulus sagt, dass man sich von diesen Leuten trennen soll. Et Paul nous dit qu'on doit se séparer. A little leaven leavened the whole dough. Ein bisschen Hefe lässt den ganzen Teig schon aufgehen. Parce qu'un peu de on appelle ça pas farine mais fécule fait gonfler toute la pâte. A lot left Jesus. Levure. Pardon. Viele haben Jesus. They left his ministry. Sie haben seine Gemeinde verlassen. Beaucoup de gens ont quitté l'église de Jésus. Amen. They left Jesus ministry. Sie haben die Gemeinde von Jesus verlassen. Ils ont quitté l'assemblée du Christ. A lot also left Paul's ministry. Sie haben auch die die Gemeinde von Paulus verlassen. So if you leave here, it's no news. Deswegen ist nichts Neues, wenn Leute von hier gehen. Tout comme beaucoup ont quitté l'assemblée de Paul, donc si tu quittes notre assemblée ici, c'est rien de nouveau. We quickly go to two places and we close. Amen. 2 Timothy 2. 2 Timothy 2. verset, après on va. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Deuxième Timothée. 2 Timothée 1. Deuxième Timothée 1. Vers 15. 2 Timotheus 1, 15. Verset 15. Ah oui, d'accord. 2 Timothée 1, 15. Are we there? I don't know. Amen. Amen. He said, "This thou knowest, that all they which are in Asia, be turned away from me, of whom are Phygellus and Hermogenes, the names, eh?" Praise the Lord. Amen. He said they turn away from him. Sie haben they turn away from the ministry. Sie haben sich von der Gemeinde abgewendet. Mm-hmm. Comme tu le sais, tous ceux qui sont de la province d'Asie m'ont abandonné, entre autres Phygel et Hermogène. And in 2 Timothy 4. 2 Timothy. The same 2 Timothy. Verset 4. Chapter 4. Verse 14 to 17. Non. 2 Timothée 4. 14. De 14 à 17. 2 Timothée 4. 14 to 17. He said, "But Alexander, the coppersmith, did me much evil." You see that? Mm-hmm. Amen. "The Lord reward him according to his work." Amen. Amen. "Of whom be thou way also, for he hath greatly withstood our words. At my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge." Praise the Lord. Amen. They forsook Paul. Sie haben Paulus verlassen. Ils ont abandonné Paul. Can you read it, please, in French? In French, from verse 14. Mm-hmm. Alexandre, l'orfèvre, a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Le Seigneur lui donnera ce que lui auront valu ses actes. Tout aussi, garde-toi de lui, car il s'est opposé avec acharnement à notre prédication. La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister. Tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Verse 17. Verset 17. Notwithstanding, the Lord stood with me. Praise the Lord. Hallelujah. Though they forsook me, they left. But the Lord stood with me. Mm-hmm. Ils l'ont peut-être abandonné, me. Mais c'est le Seigneur qui l'a assisté et qui lui a donné la force d'annoncer pleinement le message. That by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. C'est Amen. Le Seigneur qui m'a assisté et m'a donné la force d'annoncer pleinement le message pour qu'il soit entendu par tous les non-juifs. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Those that don't want to choose Christ, here is not your home. Die Leute, ceux qui veulent pas choisir Jésus-Christ, ici, ce n'est pas votre maison. Die Leute, die Christus nicht wählen wollen, für diese Gemeinde kein Zuhause und die können hier nicht bleiben. Ils ne peuvent pas rester ici parce que ici, cette assemblée ne peut pas être leur maison. And once you are going, you go with your family that you came with. Because we don't want anything to be attached to you. Weil wir wollen nicht, dass die Verbindung immer noch dann besteht. Et si tu pars avec ta famille avec laquelle tu es venu, parce que on veut pas être On veut pas que des choses charnelles nous connectent. Amen. Amen. Aussi belle. Merci, connexion. Praise the Lord. Amen. We want you to repent. Amen. On veut que tu puisses te repentir. But if you refuse, please, instead of, you know, from one problem to another, it's better you leave here. Amen. Et si tu veux pas le faire, c'est mieux vraiment que tu quittes l'assemblée. Praise the Lord. Alléluia. So please, if there is any question, Si y a des questions. Any